Bonjour à tous, je suis Sico53 et bienvenue à ce nouvel épisode du Ciné-Club de mortdujeu.com. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder Le vent se lève de Hayao Miyazaki. Je serai une nouvelle fois en compagnie de Kim et Das pour discuter du film. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Film, ça je l'ai écouté comme en japonais sous-titré en français là, moi là. Je sais pas si ça va avoir une grosse incidence sur si c'est bon ou non Ben, moi, je trouve que c'est bon parce qu'on a tout écouté d'une manière différente, fait qu'on va là. pouvoir en parler. Ouais, c'est ça. Toi Kim, ça je l'ai écouté en Ouais. français, juste français français à les voix. Puis toi Da, c'est en anglais sous-titré Non, ou pas de sous-titres. juste en Donc, moi, anglais? Ok. c'est juste en anglais. Ok. Mais ça. Moi, il y a, ça, il y avait des bouts ou des. Qui a comme des problèmes de. Pas de traduction, mais il y Tu vois que tu vas avoir des problèmes de traduction si tu l'écoutes en japonais? Non, mais les sous-titres en Sans subtitle. français, il y avait des fois les sous-titres qui. Ok, ok, Il ok. y avait comme un bout que c'était comme pas traduit, et j'étais comme. Mais il y avait comme une. Ah, mais le bout qui n'était pas traduit, c'est parce que dans le film, c'est en français. Oh non, mais non, je parle pas des bouts que c'était dans d'autres langues. C'est vrai, je me souvenais plus de cette affaire-là. Ce n'est plus que les. C'est ça, il y avait. Je pense qu'il y avait comme le français. T'avais le. L'allemand aussi. C'est ça, mais non, il y allait en Allemagne aussi. Ça, Oui. ouais, c'est ça. Mais ça, j'ai bien aimé le film, là. C'est peut-être pas mon préféré d'un Ghibli, là. Je sais pas si vous en avez De vu. quoi? D'un Ghibli, c'est le studio d'animation, là. Ah, je sais pas, j'ai déjà écouté des mangas, je sais pas de même, mais je regarde pas c'est quoi Ok. studio, c'est ma soeur qui dit écoute ça! Je l'écoute. Comme toi, tu dois écouter Totoro ou non? Ça dit quelque chose? Non, Non. Moi, je sais pas c'est quoi. Ben, dans le fond, je veux dire, je connais le studio Ghibli parce qu'il y a comme une réputation qu'ils font des super de bons films. Je sais qu'ils ont fait Princesse Nanaki? Mononoke, Ouais. puis tout le Totoro. Ouais. Je les ai jamais vus, mais je sais c'est qui le personnage Totoro, là, le genre de Ah ouais. gros chat, je pense. Puis la Princesse Mononoke, ben, tout, j'ai entendu parler comme quoi que c'est deux très bons films. Puis Grave of the Fireflies et Oh, tout, je pense qu'on m'a dit que c'était un bon film. le film le considéré quasiment le plus dépressif. Ça se Ah, peut. faites-moi pas Faites-moi pas écouter ça. non. Faites-moi pas écouter Ah, ça. c'est ça, c'est pas dépressif, mais tant t'avais dit faut pas que personne meure à la fin de ce film-là. À la fin du film, je suis comme oups. Quelqu'un qui meurt à la fin. On le Mais voit pas. non, on la voit pas, là. Ouais. Non, on la voit Mais pas. c'est comme subtil la mort Ouais. moi, j'étais comme pas sûr de la fin. Moi, j'étais là, c'est ça la fin? C'est vraiment le même? C'est ça qui s'est Mais passé? les films de Ghibli en général, c'est comme ça finit comme comme c'est comme c'est pas comme si c'était une vraie fin, c'est comme tu attends quelque chose puis il y a comme rien, c'est comme ah, OK, Ok. c'est ça finit pas Ben, c'est peut-être nous autres qui, genre, on est habitué qu'il y on ait est tellement comme habitués, c'est ça, des films nord-américains ouais. ou genre des États-Unis, que c'est genre, ça, faut qu'il y ait une fin, faut qu'il y ait un but. Tu sais, hier, moi et Piqué, on parlait un peu puis du film, puis tu sais, c'est comme j'ai dit, j'ai fait. Moi, je pense que je l'ai écouté dans le bon moment, qui est genre tard le soir. Tu sais, c'est pas un film qui va te réveiller. Tu sais, quasiment t'endormir, tu sais. Tu sais, c'est très relax comme Ah, oh ouais, film. c'est pas un film d'action, là. C'est ça, là. Mais comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est bon pour ce que c'est. Tu sais, on dirait il a comme mis plein de sujets dans le chapeau, puis il a fait, bon, ben, aujourd'hui, le sujet, c'est, ah, un gars qu'il veut vraiment faire des avions, il trippe sur des avions, puis on va faire un film là-dessus. Puis là, quelqu'un dit, ouais, mais c'est quoi le but du film? Ben, c'est rien que ça. Faut qu'il fasse des avions. Faites un film là-dessus. OK. Tu sais, oui, c'est un bon film sur C. C'est un sujet, moi, je trouve personnellement plat, Ouais, moi, mais il a réussi le film sur ce sujet-là. Tu sais, je ouais. peux pas dire le contraire. Tu sais, le Mais temps a c'est quand même passé inspiré, vite. le gars principal du film, c'est une vraie personne qui a existé, puis c'est inspiré de lui, le film. Ouais. OK, ben c'est ça, je savais pas ça. Tu sais, fait que si, moi, je pense que c'est pour la culture japonaise, c'est un japonais. Ouais. Ouais. Pour, c'est sûr que pour eux, c'est sûrement important, parce que c'est sûrement genre un film quasiment historique. Si c'est tout basé sur des faits réels, eux, c'est clair qu'ils vont triper. Ils vont dire, waouh, wow, oui, le gars, il a passé par ça, ça, ça, ouais. ça. Ça se passe juste avant la Deuxième Guerre mondiale, là, la grosse partie du film. Puis juste à la fin, ça c'est comme si ça sautait la guerre. Puis ça dit à la fin, ces avions, ils ont réussi. Ces avions ont été utilisés pour bombarder ou je sais plus trop. Là. J'étais... Ben, c'était ça, c'est weird quand même comme fin. Ouais, le gars, il a full un gros but, mais on dirait qu'il est brillant, il est intelligent, mais c'est comme. Tu sais, c'est clair que ça va être servi pour tuer du monde. Mais. Tu sais, lui, ben, il veut. Tu sais, il fait pas, ah, je veux faire ça pour tuer le monde. Il fait, non, ah, je veux juste faire un avion. Ouais. Tu sais, mon but, c'est ça. Ok. C'est comme si quasiment le but finalement, lui il cherchait à faire l'avion, le meilleur avion possible. Puis finalement, il a trouvé la bombe, puis sur le chemin. Puis, finalement, l'avion, c'était peut-être pas ça le plus important. T'sais. Je sais pas si c'est ça la. Je sais pas si c'est ça non, le moral. Pas ça, j'ai là. Compris. Ah, non, il a laissé quand même pas mal de côté. Je trouve la fille, j'étais, man, t'as besoin de mourir. Puis il continue de travailler, puis la fille, là, oh, rapproche-toi un peu de moi, puis continue de travailler, puis. En tenant la main, j'étais là, ouais, ok. Ouais, mais je pense que les Japonais sont fous du travail un peu, tu sais. C'est quoi les karoshi, ça s'appelle, là? C'est le terme. C'est. Attends, je vais pas dire n'importe quoi. Comment tu dis karoshi Mais ça, karoshi, c'est. C'est une mort par dépassement de travail. C'est comme au Japon, là, c'est vraiment. Tu sais, c'est du monde qui travaille tellement qu'ils font comme des crises cardiaques puis des affaires comme ça. Là. Puis, parce que je me suis. Okay. C'est comme un burn-out solide. Ouais, c'est comme c'est karoshi. C'est une pression extrême. Ouais. C'est ça. C'est même reconnu comme une maladie professionnelle au Japon depuis les années 70. Puis, il y avait eu. Je me souviens, parce qu'il y avait eu un jeu. C'était un jeu Flash, là, il y a longtemps que j'avais joué. Puis, c'était le jeu, il s'appelait Karoshi. Puis tu devais genre tuer le gars de plein de façons différentes, genre. C'était fucké un peu. Okay. Là. Mais. C'est ça, là. Mais c'est quoi, je pense que c'est ça, c'est dans leur mœurs, là, de. Leur job, c'est comme. C'est le plus important, là. Mais okay. Mais je pensais, ça, on n'a pas. C'est pas pire, là, c'est était assez ouverte la fin, et que c'est pour ça qu'on n'a pas. Pensais à la même affaire, là, Kim, là. Mais ça, là, à part ça, tu sais, le bout des avions, là, tu sais, tant il raconte, je trouvais le début qui était un peu long à partir, là. Tu sais, ouais. Tant il rencontre sa future femme, là, un moment donné, là, avec sa soeur. Mais c'est habile! En français, c'est ça qu'elle dit. OK. Puis là, fait qu'elle trappe le chapeau, là. Ah, ouais, ça, puis là, tu sais, c'est tout pogné en feu, là. Parce qu'il y a des. Puis là, ça, attends, là, je pense que c'était le train qui était arrêté, puis tout, les tremblements de terre. Mm-hmm. Ouais, écoute, c'est le tremblement de terre le plus heavy que j'ai vu de ma vie. Moi, j'étais sûr que c'était une bombe. Moi, j'étais là, je voyais ça. Là. Puis là, en plus, ce que j'aime pas du film, c'est que tu sais pas quand il rêve ou non. Tu sais, au début, j'étais là, ok, ça va être long comme film parce qu'il se promène en avion, il part de sa cheminée, il se promène en avion, tout le monde y avoue la main, tout le monde est heureux. J'étais, hey, tabarnak, ça va être spécial. Puis là, finalement, c'est un rêve, ok. Là, il y a ce bout-là en train que je fais, ah, oh, c'est sûrement un rêve. Là, j'attends qu'il se réveille. Il fait, ah oh, non, finalement, ok, c'est pas un rêve. Ok. Tu sais, il y a comme, c'est pas tout à temps précis. Là, ah, moi, ça, j'ai pas eu de problème. Quand c'est un rêve, je le catchais. Ah, moi, je le voyais pas. Mais là, après ça, la plupart du temps, dans ses rêves, il était comme avec l'Italien là, qui fait des avions. Mm-hmm. Là. Ouais. Ouais, mais pas tout le temps. Au début, t'étais-tu avec l'Italien Au début, peut-être. Pas, je pense que non. Au début, tu sais, quand il vole, là, puis après ça, il voit comme des avions nazis avec des bombes qui bizarres, là, qui. Ah, ok, oui, oui. Ils vous jettent seul, là, puis. C'est pas tranquille, ces règles, là. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, moi, je trouve le tremblement de terre était vraiment beaucoup élevé, là. Ah, oui, j'étais là, tabarouais, c'est quoi ce tremblement de terre, là? On dirait qu'il y avait c'était des vagues, là, j'étais comme couteau. Ouais. Pour ça, je trouvais ça trop. Ben. Tu sais, le film est tellement réaliste sur plein d'affaires que je trouvais ça tellement irréaliste que j'étais sûr qu'il rêvait, là, mais... Ouais. Mais je sais pas si c'est arrivé pour de vrai à Tokyo, je pense que c'est pas à Tokyo. Ouais, il y a des... En Japon, en général, ils ont des très gros tremblements de terre, là. Ouais, tu sais, gros de même. Ouais, peut-être pas... C'est pas mal imagé, on va dire. C'est... parce que si la Terre bouge de même, là, il n'y a plus grand survivant, là, je me dis. Effectivement. Mais c'est le début, je l'ai trouvé, tu sais, entre ce bout-là, puis il voit sa future femme, puis il est en train d'arranger des avions, puis tout, puis c'est assez technique, là, ce bout-là, j'ai trouvé ça un peu long, là, je pense que c'est le premier 30-40 minutes, je dirais, là. Mais après ça, ça l'a embarqué. En tout cas, je trouve que ça l'a embarqué plus. Là. J'ai plus embarqué. Là. Il était quand même. Le film était quoi? Je sais pas si c'est normal, mais il se met à arriver vite en tabarouette. Là. Le film? Ben, je veux dire, le gars pis la fille, là, me semble. Ouais, j'avoue, il voulait se marier. Ça s'est passé vite, là. Ah, je l'ai retrouvé, ok. Je me marie avec, genre. C'est ça, tu sais. Ah, ouais. Oh, je la demande en mariage. Ok. Je sais même pas si on daté une fois, pis déjà, genre. Ouais, mais tu sais, j'étais là, ok, j'ai-tu manqué full de bout ou l'histoire, il y a full catch-catch à un moment donné qui datait ou, tu sais, j'étais là, ok, mais coudonc, hein, il veut la demander en mariage, puis après ça, un moment donné, bon, ben, il se marie. Mais il me semble, le bout entre demander en mariage puis dater, on l'a pas vu. Ben, je sais pas, peut-être à... Dans le fond, le film durait 10 heures, mais t'as dormi sur 8 heures du 10. Non, mais ça fait, il retrouve la fille, puis là... J'avoue, après ça, ouais. Il s'en va à l'hôtel, puis là, il voit le français, je pense, ou le Germany, l'allemand. Puis là, il y a son père de la fille, il rencontre la première fois le père de la fille, puis il dit « Ah ben, j'aimerais ça me marier avec votre fille. J'aimerais ça avoir votre autorisation pour la marier. » Puis là, la fille était dans les marches, puis elle dit « En tout cas, j'aimerais ça que tu dises oui. » Mais je pense qu'ils sont même pas d'état avant, là. Genre, bang, tout de suite. Puis à un moment donné, t'entends son colocataire, qui est son ami, dire « ah ben là, je m'en vais sortir pour me trouver une femme puis faire des enfants parce que c'est ça qu'il faut faire. » J'étais là, calmement. C'était le gars sortait pour se trouver une femme, pas pour se trouver une blonde. Ouais. J'étais là, ok, mais coudonc. Peut-être dans ce temps-là, c'était... Mais t'avais aussi, ça fait rappeler, c'était dans ce coin-là, dans cette place-là, c'était comme dans une sorte d'hôtel qu'il possédait, là, c'est ça? Ouais. Puis là, il y avait comme il y avait un Allemand qui était là. Puis là, j'étais plus sûr. À un moment donné, j'étais comme, coudon, l'Allemand, est-ce que c'est juste lui qui le voit ou genre? Ou, Oui, je suis d'accord avec toi, parce qu'à un moment donné, il a disparu full vite. Ouais, puis j'étais là, il rêve-tu? Ouais, ouais, ça, j'étais... Il est plus vraiment là. Ah, moi, je me suis pas dit ça. Mais c'est parce que ça, à un moment donné, parce qu'ils le recherchaient, puis là, ils ont comme pris le gars, fait comme, il a été recherché parce que t'as parlé à ce gars-là, là, puis on va te cacher, là. Ouais, mais ça paraissait qu'il était louche, là. Moi, j'étais si vrai, ouais. C'est clair, c'est un espion, ouais. De la Germanie. En tout cas, moi, l'anglais, c'est Germanie. Mais je pense qu'il était contre, l'Allemagne nazie, là. C'est, cas, ouais, je pense que c'était ça, ouais. Parce que Money parlait d'Hitler. Ouais. Ouais. Mais tu vois, dans ce passé, tu sais, des fois, je trouve, les films japonais, même, tu vois dans la face s'il est méchant ou non, la personne, un peu. Ouais. Fait que là, des fois, il y avait des petits bouts méchants, tu sais, comme l'Italien dans son rêve, des fois, il y avait des petits bouts, je suis un petit méchant. Mais moi, j'aime. En tout cas, le côté positif que j'aimais, c'est l'acteur principal me faisait un peu penser à moi parce que souvent, il se trollissait de tout. Genre, il arrive, il aide la fille, puis bon, ben, tchou, ben. C'est vrai, ça. Ok. C'est vrai que le gars, je trouvais que le gars, il était comme coudon. Tu sais, il vient de l'aider, puis tout. Fait comme, ok. Tout, là, tu sais. Ben, je trouvais ça le fun. Il n'y avait pas aucun t'sais, pas d'émotion. T'sais, son boss, il crée après. Okay, là, ça. Là, l'avion crash. Pas de sentiment non plus. Il était vraiment genre. Tu vois qu'il réfléchissait tout le temps. D'après moi, dans le fond, il était toujours genre nerd parce qu'il réfléchissait tout le temps à sa job. Ouais. Ou sinon, c'est vraiment un imbécile qui a tout le temps tête des nuages, qui était tout le temps dans la lune. Mais d'après moi, c'est plus le fait que. T'sais, tout d'un coup, on apprend que c'est un génie de l'aviation. Tu as passé à jeune enfant, à je vais étudier en aviation, à c'est un génie. Fait, bon, ben. Ouais. Ils l'ont traité de génie. Ok, ça doit être un génie là-dedans. Fait. Moi, j'aimais ce bout-là, le fait que. Tu sais, le gars, il n'y avait pas de. Tu sais, à part quand sa blonde n'allait pas bien. Tu sais, même quand il dit qu'il l'aimait et il veut d'être avec elle, tu sais, c'était pas. Ouais, je veux. Tu sais, il était full. Encore neutre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas full d'émotion. Ouais. Moi, c'est ça que j'aimais. Juste, ben, c'est triste pour la fille. Ils ont réussi à faire genre que le gars, il est full nerd. Moi, mais la fille, il l'aimait de même. Ça savait avec quoi, dans quoi qu'elle embarquait. Ouais, mais lui, il l'aimait pas. Genre, elle crève avec un gars qui l'aime pas. Ben non, mais il l'aimait. Je suis sûr qu'il l'aimait. C'est juste qu'il est pas. Il est pas flamboyant. Il exprime pas. Tu sais, je sais pas. Il est de même, le gars. Moi, je trouvais qu'il était bien fait. Pensez-vous qu'il a consommé leur mariage ou c'était juste platonique? Ben, la fille était malade en partant. Je pense pas qu'il faisait grand-chose. Mais il a pas dit à un moment donné, tu sais, il était comme. Il était parti la. À cause qu'il était parti le voir. Puis je pense qu'il couchait comme c'est comme son boss, là. Oui, puis il a fallu qu'il se marie parce qu'il était pas d'accord que d'un couple pas marié couche sur le même toit, genre. Puis, moi, j'étais le tabarouette, puis le gars, il dit « OK, ben on va se marier là. » Puis ça, comme « OK. » C'est ça, moi, j'étais là « OK, c'est le même, ça se fait, OK. » Un coup d'autre, ça se fait vite, hein, cette famille-là. Mais c'est quelle maladie qu'elle avait déjà, parce qu'à un moment donné... Tuberculose. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, sa mère l'avait. Quand il a su qu'il était là, il a comme coup... Puis qu'elle revenait comme des montagnes. Puis là, il était parti la voir. Puis là, il était comme... Si j'ai bien compris en anglais, c'est une hémorragie de foie qu'elle avait eue. Ah. Ouais, c'est pour ça qu'elle menait à tous du sang. Ah, ouais, ça. Moi, j'ai arrêté le film là. J'ai dit d'écouter en deux shots, là. J'ai pas aimé ça. C'est vrai, c'est ça que tu m'avais dit. Oui, je l'ai arrêté là. J'étais là. Je veux dire, à ce coup, je finirais pas le film. Mais finalement, le lendemain, je me suis dit, bon, OK, on est capable, on continue. Ouais, mais sa mort a été smooth. Tu l'as pas vu mourir, rien. Non, mais tu l'as vu cracher du sang, puis là, moi, ça m'a rappelé des affaires. Ben oui, là, mais... ça m'a rendu parano. Là. Mais tu sais, la fin, c'est genre son avion qui a toujours rêvé, il vole. Le gars a pas d'émotion, puis il regarde au loin, puis pouc, on catch que. La guerre a éclaté puis qu'il est mort parce que sa blonde dit ça fait longtemps que je t'attends, genre puis... Mais il était avec elle, j'ai fait bon ben ok, ça a été très smooth comme mort. Kim devrait pas être trop offensé. Moi c'est juste quand il crachait du sang que j'ai pas aimé ça. Bon. Parce que mort, ça me dérange pas, là. C'est pas un personnage vraiment très récent. Mais tu sais, moi je trouve que c'est un bon film pour. T'sais, avoir su qu'il y avait très peu de dialogue, c'était quand même très visuel, puis avec les effets sonores, tu comprenais. J'aurais pu l'écouter sous-titré anglais ou français, puis laisser le langage original. Je trouve que c'est un bon début. T'sais, quelqu'un qui dit « Ah, je vais écouter un film, je vais me forcer à l'écouter en version originale japonaise, puis avec sous-titré anglais ou français », ça le met un bon, parce qu'il n'y a pas tant de dialogue que ça. Ah, tu c'est trouves? Très facile à comprendre. Ben, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas même de dialogue. Moi, j'ai pas... J'avais pas trouvé qu'il y en avait comme beaucoup ou pas beaucoup. Là. C'était comme juste correct. Là. Mais c'est vrai qu'il y a des. J'avais déjà écouté des films, des animés qui ça l'arrête pas. Là. Ça, c'est... Ah, ben, c'est ça, c'est pour ça que moi, je disais ça. Là. Les animés, je les écoute tout double. Là. Sinon, je passe mon temps à lire en bas puis j'entends vraiment pas l'image. Mais je trouve les effets. Tu sais, comment je me disais, tantôt on parlait de Totoro puis Mononoke puis tout ça. Ouais. C'est des vieux films. Tu sais, je regardais les images du film. Des fois, j'étais là, Calvin, on dirait vraiment un film des années 80, selon la qualité d'image. Ouais. Mais des fois, il y avait des bouts que ça avait l'air super récent. Ben moi, visuellement, je trouvais qu'il était très bien fait, le film. Là. Je trouvais ça beau. Non, non, mais, c'est, mais... je pense que c'est comme le style des années c'est 80. Ça. Qui, je pense exactement. Que, mais je pense que c'est quoi, c'est... Mes parents, ils écoutaient quoi? C'est comme Heidi, là? C'est comme, je sais pas si ça me dit quelque chose, l'animé Heidi, là? Non. Le titre, ça me dit quelque chose, mais je saurais pas te dire. Moi, je trouvais que ça me faisait penser à Akira ou Sailor Moon, ou tu sais, c'est vieux, animé. Parce que ils ont comme gardé le même style depuis qu'ils font des films depuis les fins des années 80, là, tu sais. C'est comme Totoro, là, je pense, c'est ça, c'est genre 89. Ben, c'est ça, ça ressemble à ça, c'est 88. Ouais. Puis ils ont comme ils ont jamais trop changé, là. La plupart de leurs films, c'est tout le temps le même style. C'est-à-dire que c'est comme s'ils faisaient des films, ils n'ont jamais tout le temps les mêmes années. Là. C'est comme si. C'est pour ça. Ouais, ben, ça marche. Ben, le son, moi, je trouve honnêtement que l'autre affaire tout, j'ai bien aimé, à part le character qui était tout le temps neutre, que je trouvais qu'en tout cas, qu'il était très bien fait. Le son, des fois, là, moi, j'avais même pas le son. Genre, j'ai pas des speakers 5.1 chez nous. Là. J'écoutais ma TV. Puis le son, j'étais craint, mais donc, ben, le son, il est vraiment bon pour les effets spéciaux. Pour la pluie, il y a plein de sons qui étaient vraiment sa coche, puis que c'était comme des sons que dans le temps, on utilisait, là, tu sais, comme exemple, au lieu de monter comprends. Ça, genre, à l'ordinateur, ben, tu sais, quelqu'un qui marchait sur le bois, c'est clair qu'ils ont pris quelqu'un qui marchait sur le bois vraiment, puis ils ont utilisé ça parce que c'était vraiment Mais les affaires négatives, c'est justement, ils ont tellement, sont tellement fiés sur sûrement les vieux sons, comme dans le temps qu'ils utilisaient, que des fois, ils étaient vraiment à côté de la traque. Là. Comme exemple, le gros tremblement de terre, ou pour le feu, ou pour les effets genre catastrophiques, on va dire, là. Ouais. Il était dans le champ, là. Ça ne fitait pas. Donc le train mané qui déraille, comme le métal qui frotte, puis le train qui déraille, le son, là, j'étais là, mon Dieu, ça sonne pas de même. T'sais, ça n'a pas l'air d'un si gros accident que ça, selon le son, mais tu vois l'image, okay, c'est un gros accident, mais le son, là, ouais. Mais c'est drôle que tu parles du son, parce que cette fibre-là, en tout cas, en arrière, j'ai un 5.1 chez nous, puis j'étais comme, coudonc, comment ça, mes speakers en arrière, ils marchent pas? Là, j'ai checké sa boîte, puis c'est le son, tout le film, il est en mono. Le gars a fait exprès qu'il soit en mono, comme je sais pas trop, comme des vieux films, là. Il y a même la base, je pense même pas la base, c'est même pas du 1.1, là, c'est comme la base, ça fonctionne même pas. Genre, c'est juste comme le film, tout le long, est en mono, le son. C'est juste comme en un bloc, là. C'est drôle que ça, tu parles, le son, comme il est super bien fait, mais qu'en même temps, il voulait pas comme ça soit comme je sais pas si c'est parce qu'il voulait pas que ça soit comme un spectacle, que ça soit comme ça pète de partout, tu sais. Moi, ben, moi, en tout cas, moi, je trouvais que c'était, ça faisait longtemps que j'ai pas vu, tu sais, j'entendais pas des effets spéciaux aussi bien faits avec l'image que je voyais, sauf pour certains bouts comme je dis, là, qui est plus. Fait que je sais pas si c'était à cause que c'était en 2.1 que ça sortait aussi bien, là, je sais pas, là. Vous vous rendez compte que dans les deux films que vous avez fait écouter à date, il y avait des sous-entendus nazis? C'est vrai, hein? Ouais, mais à peine. Ben, c'est normal pour un film qui est rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, non, c'est un film C'est clair. historique, Il y en a puis un, c'est normal. Mais je trouve ça quand même drôle. C'est l'autre, vraiment drôle. Non, ça, alors, si le troisième, si le film que tu as choisi, il y a des c'est. C'est pas des supposé. rappels. Non, c'est pas. Quoique. Je sais pas. Dans les cimetières, quand on voit les fantômes, puis tout, peut-être qu'il y en a qui viennent de là. Je sais pas. Que c'est chasseur de fantômes, c'est ça? Avec Michael J. Fox. Ouais. Moi, je me souviens de quoi, puis oui. Ok. Me semble que oui, mais je suis pas sûr. À 100%. Je me Dès que trompe peut-être, mais il me semble que oui. le fil C'est pour ça que conducteur. je te dis, je suis plus sûre. Dès que le fil conducteur de nos films, c'est des nazis. Ça va C'est bien. ça. Mais toi, Kim, là, qu'est-ce que t'as pensé du film, là? Mais là, on a déjà dit pas mal, là. Visuellement, je trouvais très intéressant, mais moi j'ai pas vraiment accroché à l'histoire. J'ai pas vraiment. J'ai trouvé ça déprimant. Puis le bout où la fille a craché du sang, je suis vraiment pas bien. Puis j'avais hâte qu'il finisse, je vous Il était quand même C'était long. ben trop Moi, c'était quétaine. 2 heures. Le gars, il a pas d'émotion, mais ça reste que c'était quand même trop quétaine. Puis le bout là où il se pète des avions en papier, puis que la fille est sur le balcon, puis là, il rigole, je comprends pas qu'elle soit pas tombée en bas. Il me semble qu'elle se penchait tellement qu'elle aurait dû planter, là. Ouais, ça, Moutou, des fois, j'étais là, mais ça me semble que c'est dangereux. Moi, c'est il va y avoir un accident. Peut-être que morte de même, elle aurait moins souffert, tu sais, je sais pas. Ou sur le train, tu sais, quand elle a failli tomber en bas du train pour pogner le chapeau, j'étais là, merde. C'est OK. Puis eux autres, ils vont sur le train. Tu sais, ils sortent du wagon, puis ils sont sur le bord de même. Peut-être dans ça, t'es genre juste moins moumoune, tu sais. C'est comme normal. Oh, mais vu que la façon qu'elle se pensait, je comprends pas qu'elle naît encore de l'autre côté. Elle est vraiment forte, la jambe droite. Ça doit être ça, parce que sinon, il n'y a pas d'autre raison qu'elle soit pas morte là. Ouais, mais c'est quand même c'est un film. C'est quand même... Il y a Ouais. ça, puis le tremblement de terre, que c'est. C'était pas très réel. Regarde, c'était ça leur date. C'était les petits avions en papier. Mais je sais plus si c'était avant ou après la demande en mariage. Je pense que c'est après, parce que je te dis, ça s'est vraiment fait de le retrouver, puis. Il veut l'avoir, mais pour l'avoir, il était en avant, il a bu un drink avec un des deux, puis après ça, ben le Germain, je pense. L'Allemand, L'Allemand. ouais. Puis à un moment donné, il rencontre le père de la fille, puis il dit, j'aimerais bien ça, la demander en mariage. Mais dans ce temps-là, pour conclure, c'est quasiment la seule façon. À moins de payer pour. C'est ça. Non, mais... Mais le pire, c'est que j'ai pas trouvé ça si pire que ça. Tu sais, Ouais, je vais plus le réécouter, non. Non. Mais comme j'ai dit, je sais pas si comment ils trouvent leurs idées, mais l'idée c'était pas la meilleure au monde, mais ils ont réussi à faire. Ça va être dur de faire un meilleur film avec l'idée qu'ils ont eue, qu'ils avaient de base. Moi, j'ai trouvé ça. Tu sais, je l'ai acheté avant de l'avoir vu, là, mais je veux comme m'acheter tous les films du studio, de toute façon. T'sais. Mais c'est pas le meilleur de ceux-là que j'ai vu. J'ai vu Princesse Mononoké, ça c'est mon préféré à date que j'ai vu de eux. Là. OK. Puis, dire, si c'est le moins bon que j'ai vu de eux, pense pas. Là, je pourrais My pas. Neighbor Totoro, c'est ça, ça Totoro, vaut-tu le hype? C'est aussi bon que ça? mais je l'ai pas vu ça. T'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. T'sais, je sais que c'est dans leur plus connu. C'est le bonhomme, c'est que ça représente le studio, là, me semble. C'est comme leur mascotte, là. OK. Mais en tout cas, ouais. Moi j'ai bien aimé. C'était beaucoup plus historique que je pensais, parce que souvent leur film, c'est Un fantastique, côté là. historique, ça, j'aimais ça. J'aime les trucs historiques, là. Ouais, ça j'ai aimé ça, même s'il y a des les bouts que qui étaient souvent comme il faisait ses plans d'avion, puis c'était comme assez technique, ça. J'avais plus de misère, je comprenais pas Oh, tout. ouais. Mais Ben, moi, j'aimais ça. Moi, j'étais ouais, là. moi aussi, j'ai Moi, trouvé ça j'étais là. Ah, intéressant. c'est cool, tu sais. Il Ouais. imaginait une conception, puis après ça, il était assez brillant pour s'imaginer, OK, ça va-tu voler? Ah, non, ça va briser si ça fait ça de même. OK, bon, ben, on va faire ça d'une autre manière. Il faut être brillant, Ouais, tabarouette, moi pour aussi, le j'ai trouvé. voir, là. Ah non, mais c'est pas ce bout-là, c'est plus le. Genre, juste après qu'il a rencontré la fille au train, que ça tout brûlait, puis il y a comme un bout que. Juste avant qu'il commence à tester tout seul, c'est sûr qu'il se fait ça engager ou il était déjà engagé, je m'en souviens plus, ce Quand bonhomme. il prend le train, Après. après avoir rencontré la fille, il va à l'université. Ouais. Il arrive, l'université est en train de brûler, là. Ouais. Puis après l'université, il se fait engager, puis il s'en va pour l'accompagner avec son ami. Ok, c'est ça. C'est sympathique, son ami. Hey, Bon, ouais. pour vrai, là, moi, je pense, je vous entends parler, puis je suis comme, j'aurais dû rechecker un vite vite le film, là, parce que. Pour vrai? Ah, mais moi, c'est parce que je l'ai écouté hier. Bon, ben moi, ça fait un bout que je l'ai écouté, là. Ben, je l'ai écouté. Je pense que je l'ai écouté genre 2 3 jours après moi, ça, je pense que c'est ça, là. Ça se peut. Quoi, ça fait. La semaine passée? C'était avant mes examens, fait que c'était la semaine passée. Il me semble. Je sais plus. Moi, j'ai dit, j'ai vu le film le 6 décembre. Ça fait. J'ai hâte C'est d'aller ça. voir. Ça fait un bon bout. Ça fait 2 semaines. Ouais, c'est pas. J'aurais Même peut-être dû plus. regarder un peu avant parce que ça, je suis comme, ah, oh, il y a ça qui s'est passé. Puis là, vous me dites, ah, oh, non, il y a telle affaire. C'est comme, ben oui, c'est vrai, je m'en souviens Mais ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de pas pire aussi dedans? Ce que j'ai aimé, c'est que souvent, dans les films récents, les films en 2D, souvent ils mettent comme du 3D dedans. Là. Puis à ma connaissance, dans celui-là, il y avait même des affaires qui avaient l'air comme 3D, faites par ordi. C'était comme. Ça avait pas l'air, ce que j'avais aimé. Là. Je sais pas, Je je suis le seul bout de manier, j'étais comme hypnotisé, c'est le gazon. Il marchait comme dans le gazon. Ah non, C'était toujours comme la même wave, c'était bizarrement fait. Là, j'étais comme, wow, t'sais, sur mes yeux, t'étais comme fucked up à cause de ça. Je sais pas quel effet qu'il essaie de faire, là, mais j'étais, voyons, tabarouette, c'est quoi qui est en arrière, qui bouge de même? J'étais, ok. Mais à moi, c'est part ton ça, boss, il me ouais, tapait c'était ses cool. nerfs. Son boss? Ouais, le petit chioleux, là. Bon, mais il y a tout le temps des mêmes dans les films japonais. Là. Avec Il y a sa. toujours le petit boss Quand on dirait qu'il a les yeux tout en fermés tout le feu. temps, là. Moi, ouais. Ça, pis sa Celui qui super coupe braillait au de cheveux, mariage. là. Ah, oh, ouais, oh oui, c'est vrai! Le boss chiolé pleurait, mais lui, il en avait rien à foutre. Non, mais c'est comme à qui? Il est juste pas expressif, le gars. Ben, l'affaire, moi, j'étais comme oh, que ça va être le boss comme méchant, là, tu sais. Mais Mais. non, ça, il n'y avait pas de méchant. Non, non, il C'est ça qui était. était. C'est ça que je dis qu'on est habitué dans les films américains. Là, c'était genre pas de méchant, pas de C'est vrai. gentil, un neutre qui a un but, puis OK. Moi, à un moment donné, je me demandais, tu sais, là, dans son rêve, quand il rencontre les Italiens et tout ça, j'étais là, c'est-tu quelque chose, genre, il a rajouté un peu de fantastique comme dans le film, puis que c'est vraiment un genre de rêve parallèle, ou non? Tu sais, j'aurais aimé ça, genre, qu'il rencontre, voir, savoir si c'était ça ou pas. Ben, moi, je pensais que c'était un méchant, genre, pis t'apprends à la fin, genre, qu'il l'a manipulé ou je sais pas trop quoi, ou qu'il a volé des idées, parce que, tu sais, maintenant, la manière qu'on. On dirait que la manière qui explique, ils sont comme dans le même rêve en même temps, pis là, maintenant, il monte son avion, pis là, maintenant, quand il est plus tard à l'université, il trouve comme un petit carton, pis il dit, ah, oh, il l'a enfin fait, pis c'est exactement comme dans le rêve. Fait que là, j'étais là, ok, fait que leur rêve qu'ils ont eu. Ils ont fait le rêve en même temps, ils se sont vraiment parlé dans ce rêve-là. Puis, ou il a vraiment vu l'avion d'avance, là, tu sais. Ou c'est un addon, puis parce que c'est un génie, il a su anticiper qu'est-ce que l'autre allait ça faire. Ça se peut aussi. Tu sais, on peut pas savoir, je trouve ça dommage. Ben, c'est ça, Moutou, ça laissait quand même gros des points d'interrogation, là, mais. Ah, c'est donc, je pense que c'est ça que j'ai aimé du film, c'est que c'est comme c'est tellement ouvert que t'es comme. Tu peux interpréter ça, tu as plein de façons, là. C'est comme... Ah, moi, j'aime pas ça quand il y a trop de place à l'interprétation. Ah non! Moi, j'aime ça quand c'est clair, j'aime pas ça poser des questions à travers c'est-tu ça, je sais pas. Ouais, moi, j'aime ça parce que ça fait... Tant, si j'écoute ça avec du monde, ça fait comme exactement ça, tu sais, on a comme plein de... Qu'est-ce qui aurait pu se passer, tu sais, qu'est-ce que c'est... Selon comme... Qu'est-ce que la personne a pu avoir vécu, tu sais, des affaires comme ça. Ouais. En tout cas. Je sais pas s'ils voulaient passer un message dans leur film, clairement, il y avait juste à le mettre clairement, tu sais, je sais pas, non? Ben non, moi je pense que c'était plus un film historique sur le gars, ouais, c'est comme si s'il y avait quelqu'un t'approche, il le rapproche, puis on dit qu'il faut que vous fassiez un film sur ce gars-là parce qu'il a une grosse impact sur le Japon, bon ben, tu sais, ok, c'est bien réussi, tu sais, ils ont juste fait ça, ils ont pas rien rajouté, rien d'autre, c'est... J'aurais aimé ça aussi, avoir peut-être plus de détails, tu sais, quand il était recherché et tout ça, là. D'avoir une suite à ça, ou... Tu sais, à un moment donné, quand... je comprends pas qu'il soit pas fait arrêter quand il s'est mis à courir pour aller chercher la fille, là. S'il était sous surveillance et que le monde le cherchait, je trouvais pas ça logique qu'il ne paye pas, là. C'est vrai qu'il s'est pas fait pogner, hein, c'est vrai. Ouais. Ben, le gars et tout, l'Allemand, on a jamais su s'il s'est fait pogner ou non. C'est quoi que ça a fait? Tu sais, il y a comme plein de points d'interrogation. C'était-tu vraiment méchant? C'était-tu un gentil? Dans le fond, c'est comme le Seigneur des Anneaux, tu sais, il y a la version longue, la version courte. Nous autres, on a écouté la version courte, il nous manque plein de gouttes. Mais j'ai écouté les versions longues, le Seigneur des Anneaux, puis c'est... Ça fait juste comme rajouter des... Non, je sais, je l'ai vu aussi. Ah, ok. T'as vu la version longue aussi, okay. Ouais. Bon, moi j'aime ça, vraiment, les films de version longue. Tu sais, je pense que c'est le roi Arthur, je trouve, qui avait comme 20 minutes de plus. Genre, les batailles étaient beaucoup plus longues. Ah, moi je l'ai pas écouté. J'étais là, oh wow, c'est tellement bon. Guenièvre, elle m'énerve. D'accord, t'as dit? Guenièvre, je l'aime pas. Ah non. Ben, il y a beaucoup de versions, le roi Arthur. Moi, je parle de celui. Le plus récent. C'est pas le nom des acteurs. Non, il est quand même vieux. C'était sorti en DVD dans le temps. Là. C'est même pas en Blu-ray. C'est le King. Ça aurait été vieux, ça aurait été genre en cassette. Ben, DVD c'est rendu vieux, là. On est rendu dans le 4K. Ça me dit rien. C'est comme si on avait loué ça à Blockbuster dans le temps. King Arthur, non, pas lui. Il y a eu beaucoup de films, hein. 2004, ça se peut-tu? King Arthur 2004. Avec Clive Owen. C'est ça. Clive Owen. Ouais, la version longue de ça, c'était très bon. Ah ouais. Et ça vaut la peine, là, je trouve. Là. Ça rend le film bien meilleur. Ça pourrait être un film qu'on pourrait faire. On pourrait prendre. Est-ce que. Non, mais ça veut pas dire que c'est celle-là. T'as-tu regardé si c'était King Arthur? Non, moi j'ai lu. Ok, j'ai lu tes romans surtout. Ok, puis tu sais, la plupart des affaires, c'est très centralisé sur le christianisme. Puis Guenièvre, elle est vraiment croyante, puis tout ça. Puis elle essaie de convertir Arthur. Puis là, moi, mon personnage que j'aime, c'est Morgane. Avec son histoire pis tout, mais c'est tout le temps la méchante d'un film, ça n'a même pas rapport au roman pis tout, je comprends pas, pis Guenièvre, c'est une scène des touches qui m'énerve. Mais dans celle-là de 2004, je pense pas qu'il y ait autant de christianisme, je m'en souviens pas de ça. Pis il y avait pas Sainte-Nitouche dedans, me semble. C'est ça, là, ils font juste non, mais je veux dire, originale, on va dire, c'est ça. Ok. Fait que moi, vu que c'est ça... Mais de base, ça m'énerve. Enfin, même si je regarde le film, puis qu'il n'y a pas comme ça. Mais si vous voulez l'écouter, on va l'écouter. Là. Vous allez juste m'entendre plus chialer, peut-être. C'est bon, ça va être drôle. Mais ça. Pour le film, vous donneriez combien? Sur 10, sur 5 étoiles, sur 100%? 5. Sur... 5 sur combien? 10. Ah, ok. Je regarderai le film de Das avant de re-regarderai lui. Oh, ah, ouais. C'est bon, mon film. je l'ai pas t'aimé, le film de Das. Oh, ouais. Ok, toi. Et toi, dans ton film, la fille crachait du sang et était malade. Ah, ok, c'est à cause. C'est surtout à cause de ça. Je suis hypochondriaque. Moi, si tu me fais que ça, je vais filer mal pendant un bout, là. Ok, s'il n'y aurait pas eu ça, là, t'aurais donné combien sur 10? S'il n'y aurait pas eu de maladie, peut-être 6, s'il aurait gagné un point. Ok. toi, Das, t'aurais donné ben, combien? Ben, pour ce que c'est. Tu sais, un 7, là. Ah, moi, je pensais c'est autour d'un 7, là. C'est un... Moi, que j'aimerais, j'ai pas checké les bonus, mais je pense ça, que ça serait quand même intéressant à voir comment ils ont fait le film, là, en fonction, tu sais, historiquement, qu'est-ce qu'on choisit de garder, qu'est-ce que tout, là. Ça pourrait être pas pire, là. Ouais. Tu sais, c'est pas un mauvais film, mais non. C'est pas un bon, mais pour ce que c'est, ça a été... Comme je dis, ça a été bien fait avec le sujet qu'il y avait. Moi, je suis content de l'avoir vu, mais ça, je pense, je réécouterai pas. Peut-être que je le réécouterai, mais comme dans une couple d'années, là, tant que je m'en souviendrai plus. Là. Moi, dans plusieurs années. Ouais. Pour vous rappeler pourquoi vous l'avez pas aimé? Genre, non, moi, je l'ai. C'est comme manger du Kentucky, tu sais, ou du Kraft Dinner, tu sais, j'ai goût de ça, puis après ça, t'en manges, tu fais, ah, finalement, ouais, peut-être pour ça, j'en mange pas aussi, là. Après une couple d'années, je me souviens plus que ça goûte, j'en goûte. C'est ça. C'est comme ça qu'il y en a quand même. Mais tu sais, je me la jetterais pas. Quelqu'un qui est un fan de ce studio, oui. Ouais, ça, je me suis acheté. Je l'ai acheté sans savoir c'était quoi le film. Là, jusque... Puis surtout, je l'ai acheté dans les HMV fermés. J'en ai comme acheté le plus que je pouvais. Là, différent. C'est méchant, mais tu sais, c'était pas un mauvais film, là. C'est juste que moi, ouais. Mais c'est 5, c'est comme moyen, là. C'est pas... En bas, tu t'aurais donné 4, ça... Non, j'aurais pas donné 4. Tu sais, le film à Das, là... Au moins qu'elle crache du sang tout le long, j'aurais peut-être donné 2. Moins 3. Je sais pas. Le film à Das, là, j'ai donné un 4, là. J'ai pas aimé ça, moi. Pour de vrai? Il me semble, j'ai sûr qu'il avait donné un 4. Moi, je pense que j'avais donné 7, mais je l'avais pas aimé à cause des arguments à Das, mais après ça, je vous avais réécrit que finalement, je donne le 6. Ah oh, ouais? Ben moi, je ne sais pas comment j'avais donné, 7 ou 8, je pense. Je me souviens pas. Parce que... je vais pas recommencer à dire pourquoi je l'ai pas aimé, là, mais... Ah ouais, j'ai pas aimé tant que ça. Attends, là, je peux pas aller regarder... peut-être en montage... Peut-être en montage, je vais écrire qu'est-ce que j'ai donné, là, mais... mais ouais. C'est que là, le... En tout cas, on en reparlera pas, c'est un autre film. Ah ouais. Mais tu sais, faut que t'aimes ce genre de... Tu sais, faut que t'aimes Faut que tu sois dans le minding. Oui, faut que tu sois dans le mood. C'est comme tantôt, tu parlais de Ghibli, tu sais, que je trouvais fait visuellement, c'était la même... Tu sais, ils n'ont pas évolué depuis 1980. Puis là, tu te dis, oui, mais c'est voulu. Ben, c'est la même affaire pour Toxic le Ravageur. Tu sais, ils ont continué... Tous les films que tu regardes d'eux autres, même celui-là que j'avais pogné, qui est assez récent, ils ont gardé le style humour années 80 avec le gore des années 80. Mais peut-être... Puis, style... film d'horreur B, là, tu sais. Mais peut-être que si... Peut-être leur film qu'ils font maintenant, peut-être que j'aime... Peut-être que même si c'est le même style, peut-être que je sais pas, peut-être que j'aimerais ça, comme si c'est pas la même histoire, là, mais j'ai... je sais pas. En même temps, tu sais, c'est comme un film de super-héros inversé, là, un peu, ce film-là, là. En tout cas, Toxic Avenger. J'avoue que moi, j'aime bien tout ce qui se passe. Ah ouais, mais ça, tu sais, comme moi... Moi, j'écoute les Godzilla, puis c'est pourri, là, des Godzilla, je le sais, là. je choisirais pas de Godzilla. Je vous ferais pas écouter de Godzilla, là. Je vous le dis, là, parce que vous allez pas aimer ça. Ça ou les caméras, là, c'est comme... Les quoi? Caméras, c'est comme... Moi, ça me fait penser à Gamora, mais j'imagine que c'est pas ça. Gamora, c'est pas dans Guardians of the Galaxy, ça? Oui, c'est ça! Ça me fait penser à elle, moi. Moi, je l'aime bien, là. Ah, on n'écoutera pas un film ensemble. Ah non? Pourquoi tu dis ça? Ah. Tu l'aimes pas? Ben non. Tu l'aimes trop? Ben non, parce que... Tu sais, pourquoi dans déjà tu veux pas écouter Avengers? Ah, ok, c'est lol. C'est un quelqu'un parce que quelqu'un qui meurt. Là. Ben ouais. Elle meurt? Oui, elle meurt. Mais elle revient pas, là. En tout cas. En tout cas. C'est un jour où tu l'écoutes, on verra. Ouais. C'est quoi? C'est pas une bonne idée de finir là-dessus. Je trouve que c'est très drôle. Ben oui, mais c'est tout le temps, ça drôle, ça me fait. Non? Mais ça, le prochain film qu'on va écouter, ça va être le Chasseur de Chasseur fantôme, ou en anglais, c'est The Frighteners. Frightener, ouais, c'est ça. Ouais. Quand j'essaie de chercher sur Internet, j'écris tout le temps, tu croches avec deux T, deux N. Écrit Michael G. Fox. Puis ouais, regarde dans ses films. Ouais, c'est un film de 1996. C'est un de mes classiques, là, je le trouve vraiment bon. Ben, moi, j'ai fait mon psycho là-dessus, je l'ai acheté, puis ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu, mais je sais que j'avais bien aimé. Puis je l'avais acheté en Blu-ray en spécial Amazon, genre à 5$. Ah, pourtant, je me le trouve à un moment donné en original, là, si je suis capable. Ben, il y a une version longue, là. Je sais pas si c'est quelle que tu veux qu'on écoute, là. Ben, moi, j'ai juste une version. Ben, ça va être la version théâtrale, je pense. Moi, j'allais chercher le Blu-ray en attendant. Attends, juste voir, là. Merci. Toi, tu l'avais jamais vu, c'est quoi, je pense? Non, je l'ai jamais vu. Jamais vu. Là, je sais pas si je me l'achète ou j'ai. Et là, ma bibliothèque à côté de chez nous, il l'a disponible en Blu-ray en plus. C'est-à-dire que je vais peut-être le prendre là. Peut-être que tu l'aimeras pas aussi, tu sais, Mais c'est le même gars, qui a fait Seigneur des Anneaux. Puis Seigneur des Anneaux, là, c'est comme dans mes top films, là. C'est qu'il me dit. Moi, j'ai les deux versions. J'ai les Director's Cut, qui a 12 minutes, 13 minutes de plus, puis j'ai le Theatrical Version. Ok. Moi, je sais pas, tout c'est quoi j'ai. Je sais même pas s'il est écoutable. Tu sais pas s'il est écoutable? Il est trop magané. Ok, tu l'as en cassette? Non, je l'ai en DVD, ça fait longtemps qu'il est gravé. Là. Ben, je peux te le trouver et je te l'envoie aussi. Je sais pas. Je vais regarder avant s'il il fonctionne. Bon. Donc, on va c'est quand même Peter Jackson qui a fait ça. Nice. Ouais, c'est ça, il me dit, c'est le même gars qui a fait Scott des Ados. Ouais, on va arrêter j'ai ça. J'ai pas fait mon film aussi, Peter Jackson. Le film que j'avais pris. Non, c'était-tu... C'est qui déjà qui a fait mon film? On était surpris que j'avais fait ça. Je sais pas. Bonne question, hein? Attends, là, tu me fais chercher, là. Attends, là. Je vais chercher, moi, tout. Peut-être trompé. J'ai fait Tintin, c'est vrai. Si je trouve ça, j'ai trouvé bizarre ce film-là, Tintin. Il est pas vu, ça m'attire pas. Ah, c'est pas vrai, c'est pas lui, c'est Spielberg qui a fait le qui a fait le film. Mais c'est, je pense, c'est, je pense qu'il doit écrit. Oh non, il a produit. Excuse-moi, c'est pas la même chose. C'est pas il a produit. Voilà. Ouais, ça. dans tous les cas, on va s'arrêter. On va arrêter ça là-dessus. Je pense qu'on n'a pas à le parler du film là. En général. En plus, 2 minutes de différence. Il a duré 44-45 minutes là, dans l'épisode 1, on est rendu à 43. C'est pas pire. C'est bon. Ouais. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce deuxième épisode de vidéo. C'est quoi déjà le nom du podcast? Le ciné-club de mordidjim.com. En plus, ça va pas bien. Merci. Merci Kim, merci Das d'avoir été. Yes. En fait partie de cet épisode-là. Et je dis à tout le monde à plus et à la prochaine.